Bonjour à tous. Merci infiniment d'être ici aujourd'hui avec nous au Musée municipal Goldini. Pour nous, c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir pour la première des rencontres artistes dans le cadre de cette exposition « Secrets de fabrique », justement dédiée à 9 artistes contemporains, dont Christine Guinamant et Jérémy Liron. Et aujourd'hui, justement, les deux artistes ont accepté d'être ici avec nous aujourd'hui pour nous dévoiler quelques secrets qu'ils cachent dans leurs coulisses, et peut-être, pas tout. Et en tout cas, toute l'équipe du musée est vraiment honorée de les avoir. Et pour une question de logistique, les échanges, les questions du public seront en fait à la fin. Du coup, je vous prie de garder bien en tête les possibles questions que vous voulez poser aux artistes. On commencera avec des échanges entre nous très, très conviviaux. Et voilà, à la fin de cette rencontre, vers 4h15, il y aura le temps d'échange pour que vous puissiez poser des questions. Je me présente quand même. Je m'appelle Irénée et je travaille en tant que responsable du service de la médiation. Voilà. Et pour ceux qui ne connaisseraient pas, il y a à ma droite Jérémy Liron et ma droite plus proche, Christine Guinamant, que je remercie encore chaleureusement pour avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Voilà. Pour commencer, j'espère quand même que tout le monde a pu voir les œuvres de Jérémy, parce que malheureusement pour lui, on est dans la partie du musée dans laquelle on ne peut pas voir directement ses œuvres, sauf une au fond de la salle. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion, ben, je vous invite quand même à aller faire un petit tour pour pouvoir effectivement voir une visuelle de ce dont on va parler. Et pour commencer, je voulais quand même laisser directement la parole aux artistes avec une question assez simple, même complexe. Est-ce que vous pourriez tout simplement retracer des épisodes clés de votre carrière, les thématiques qui vous fascinent et sur lesquelles vous travaillez actuellement? Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer. Je commence. Comme tu veux. Je commence. Bonjour tout le monde. C'est toujours bizarre de parler dans un micro. On va s'y faire. Donc voilà. Donc les passages importants dans ma carrière. Enfin, si ce mot me fait toujours un peu bizarre, carrière, parce que je me sens pas si vieille que ça pour parler d'une carrière. Mais donc je pense que c'est le fait d'avoir quitté, d'avoir fait mes études à Saint-Étienne, parce que je suis native de Haute-Loire, dans un milieu paysan, mes parents étaient agriculteurs, donc le fait d'avoir quitté la ferme et d'être allée à Saint-Étienne, donc faire mes études, puis rentrer aux Beaux-Arts, ça a été un moment important, et ensuite donc de partir à Paris, de passer 22 ans. Donc, je suis restée 22 ans à Paris où j'ai travaillé dans les musées, entre autres au Centre Georges Pompidou à la réouverture en 2000, et ensuite au Grand Palais et aussi à la Fondation Vuitton. Quand on n'a pas beaucoup de culture, parce qu'à la maison il n'y avait pas beaucoup de livres, pas de musique, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une autre ouverture sur la nature, plein d'autres choses, mais pas beaucoup de culture. Donc le fait de pouvoir voir les coulisses des musées et de pouvoir être en permanence et quotidiennement avec des œuvres d'art et de voir comment les expos se montaient et de surveiller les expos, parce que c'était un travail de surveillance d'exposition, mais qui permettait de passer du temps avec les œuvres. Donc j'ai découvert, des merveilles, et surtout ce temps qui était un temps long où beaucoup de gens qui surveillent les salles d'exposition s'ennuient, et moi je m'ennuyais pas parce que j'avais du temps décrypter les images longuement. Donc ça a été quelque chose de très important. Et un autre moment important, ça a été la rencontre avec Jean-Michel Marchais, qui était ma première galerie donc à Paris, avec qui on a travaillé 4 ans, et qui était un galeriste assez particulier. C'était plutôt un esprit marchand, comme on parle de galeriste maintenant, c'était plutôt un marchand. Et donc il avait un rapport très particulier à ce milieu-là. On travaille un peu à l'ancienne. Enfin, on travaille à l'ancienne. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, travailler à l'ancienne avec un marchand d'art. Mais c'était une belle histoire de travail. Voilà. Et pour les thématiques, on va dire que celle auparavant n'était pas forcément très gaie. Enfin, gaie, c'est-à-dire j'ai travaillé autour de l'isolement, autour du suicide, autour de l'enfermement. J'ai fait beaucoup de travaux. C'est d'actualité avec ce qui se passe en Ukraine autour de la guerre, des mutilations, voilà, donc tout un tas de travaux qui étaient sur plein de matériaux, de supports différents. Et là, en ce moment, donc je viens de finir des très grands formats qui font à peu près 3,40 m sur 2,70 m et qui parle de la nature et de la nature du monde animal et du monde végétal qui à mes yeux est maltraité, qui est humilié et qui est en train d'être mal en point. Donc en ce moment les peintures sont assez luxuriantes de gestuelles et de matière, mais ça parle de ce qui est en train de partir, pour moi très très très mal. Voilà, je laisse la parole à Jérémy. Merci. On a deux parcours différents, on vient pas du même endroit. Moi je suis plutôt d'originaire du sud, c'est-à-dire que je suis né à Marseille, donc ce ne sont pas les mêmes latitudes, pas les mêmes climats, pas les mêmes lumières. Pas d'un milieu paysan, mais disons que la culture n'était pas non plus très très présente à la maison, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus d'un milieu artistique où tout était donné d'avance. Donc j'ai parallèlement à toi, j'ai fait aussi un trajet vers Paris, où j'ai pu découvrir un peu des choses de visu, et les musées, et les lieux d'art, et apprendre comme ça, à ce moment-là, moi, en m'inscrivant aux Beaux-Arts à Paris, à l'époque c'était comme ça que ça s'est passé, ce qui m'a permis de mettre un pied là-dedans, puisque je découvrais par là même un petit peu qu'est-ce qu'il en était de l'art contemporain, moderne, ancien, au-delà de ce que j'avais pu apercevoir chez moi, qui était plutôt des paysages provençaux, des choses comme ça. Donc ça m'a initié à l'art dans ses grandes largeurs. Donc j'étais inscrit aux Beaux-Arts de Paris, j'étais diplômé de Paris en 2005. Et c'est au cours des années 2004-2005 que j'ai débuté la série des paysages, dont vous pouvez voir des extraits ici dans l'exposition. Puisque auparavant j'ai testé toutes sortes de choses, qui partent de la photographie, l'installation, la sculpture, l'écriture toujours, et la peinture sous de diverses formes. Mais cette série-là a été initiée à ce moment-là, fin 2004, début 2005. Et d'ailleurs, les titres peuvent en témoigner aujourd'hui, puisque je commençais par les nommer déjà paysages à cette époque-là. Donc, fin 2004, il a dû avoir le paysage numéro 1, puis 2, puis 3, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui aux 200 et quelques. Donc voilà comment ça a débuté. Cette thématique aussi, pour revenir à la question, je me suis confronté au paysage parce que à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était non pas de raconter des histoires, des actions, des événements, mais me confronter à l'étendue dans laquelle toutes ces actions avaient éventuellement lieu, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. On parle souvent d'environnement, ce qui nous environne. Et notamment à ce moment-là, c'était la ville et la périphérie parisienne. Donc j'ai commencé par ça. Et je m'intéressais à ce que l'on ne regarde pas ou ce que l'on juge inintéressant, voire non susceptible d'intégrer le monde de l'art. Donc les quartiers périphériques, la banlieue parisienne avec les tours HLM, etc. Je posais un regard un petit peu neutre là-dessus, un peu distancé. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le phénomène optique, physique, de ce surgissement de grandes masses dans l'étendue et comment ces structures verticales, très dessinées, très géométriques, venaient faire présence, venaient dresser des images à la fois familières et assez énigmatiques ou mutiques dans notre environnement. Donc j'ai commencé par travailler autour de ces thématiques-là, sur les relations, si on veut, à la fois sensibles et plastiques, entre le bâti et la végétation, entre des gestes géométriques, des aplats, des surfaces, des lieux habités, et quelque chose qui était plus de l'ordre de l'hirsute, du végétal, du buissonnant, etc. Merci beaucoup. Et justement, on a voulu vous avoir ici aujourd'hui parce que les types de peintures que Jérémy fait par rapport à celles de Christine sont visuellement à l'opposé. Si Jérémy, c'est plutôt une peinture zen, Christine, c'est une peinture du débordement, du désordre, du chaos. Du coup, c'est évidemment très intéressant d'avoir deux opposés qui se rencontrent. On peut voir aussi un espèce de fil rouge que quand même on peut retrouver dans les deux façons de travailler, dans les deux approches. Et notre question suivante est en relation aux œuvres que vous présentez ici aujourd'hui au musée d'Ini, parce que on a par exemple derrière nous Pluie Noire, qui c'est vraiment l'œuvre acquise par le musée et dont on est très fier. Et les œuvres que vous voyez ici sont accompagnées souvent par des prix des artistes eux-mêmes et également par des objets que les artistes ont choisis exprès pour cette exposition. Et la question étant, parmi les œuvres que vous avez exposées ici, laquelle vous a demandé le plus, entre guillemets, d'efforts ou physique, parce qu'effectivement, pour faire des formats de ce genre, c'est aussi une dépense physique, et même intellectuelle, plus de recherche en ce sens-là, et pourquoi, comment est-ce que vous en avez, pourquoi et comment vous vous y êtes pris. Alors, celle-ci, alors il y en a, dans les trois qui sont derrière nous, il n'y en a pas une qui est plus, on va dire, compliquée, ou elles sont plus complexes en superposition, par exemple, en temps. Celle-ci, par exemple, je l'ai commencée il y a très, très, très, très, très longtemps. Les premiers fonds, c'est quand je travaillais dans l'étable chez ma grand-mère, donc il y a vraiment très longtemps. Et je l'ai fini, je crois, 18 ou 20 ans plus tard. Donc c'est voilà, une histoire de temps, de superposition. Mais celle-là, par contre, donc, effectivement, c'est un format qui est assez grand, mais celle-ci m'a demandé plus de réflexion, d'anticipation, parce que c'est une peinture qui a été réalisée en projet d'une exposition qui s'appelait « Beauté et calamité ». Donc déjà dans le titre de l'exposition, tout y était. Donc c'est une exposition qui a eu lieu à la galerie municipale Julio González à Arcueil, qui était un espace qui était assez grand, il faisait à peu près 300 mètres carrés. Donc on savait qu'on allait mettre des pièces un peu plus anciennes, mais j'ai voulu faire donc des grands formats exprès pour cette expo. Donc j'ai été prévenue à peu près un peu plus d'un an auparavant. Et pour faire des grands formats pour cette expo, j'ai travaillé dans deux lieux différents, c'est-à-dire à l'atelier d'Aïssanjo, donc où j'ai commencé deux grandes pièces, et où on m'a prêté un autre espace dans la Loire. Donc, vous voyez la Haute-Loire, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Donc, la Loire est Haute-Loire-Loire. Donc, je commençais. Donc, c'est un couple qui m'avait prêté dans un grand espace chez eux, dans la Loire, vers Montverdun. Donc, je faisais quatre grands formats chez eux, et donc d'autres formats à l'atelier. Donc je travaillais à l'atelier, puis je laissais sécher et je partais dans la Loire travailler, faire des sessions de 4-5 jours pour faire avancer les pièces de l'autre côté. Et donc j'ai fait ça pendant 3-4 mois, parce que donc les temps de séchage étaient longs, parce que je n'utilise pas de cicatif, d'accélérateur de séchage. Alors celle-ci est un petit peu moins en charge quand même. On sent qu'il y a beaucoup plus du ce que j'appelle du presque rien. C'est-à-dire là, on a presque rien d'ailleurs. Les blancs sont des blancs de la toile. Et l'huile, c'est vraiment beaucoup de dilution avec de la térébenthine. Mais le fait de devoir jongler avec les plans de la galerie d'Arcueil, avec les deux espaces de travail, l'anticipation de l'accrochage, qui allait être un an ou un an et demi plus tard. Et donc j'avais aussi prévu dans l'espace de la galerie, j'ai eu l'idée après, comme il y avait un grand volume, donc j'ai trouvé, parce que je faisais trois formats qui étaient identiques, et donc je me suis dit, pour occuper l'espace de la galerie, je vais mettre les trois toiles en prisme, en fait, dans l'espace, donc comme un volume. Donc il y avait trois toiles qui faisaient un volume dans l'espace, donc celle-là, je savais qu'elle allait être en celle en droite. Donc il fallait qu'il y ait des jonctions et des passages dans l'architecture, en fait, de la peinture, au niveau des colonnes, ou par exemple l'oiseau, l'ibis qui partait sur la droite, il fallait qu'il ait une histoire avec l'autre toile qui allait arriver plus tard et qui était finie. Donc ça, c'était une gestuelle, une gestuelle des formes et des matières dans l'esprit. Donc ça, ça a demandé effectivement, parce que l'action en elle-même, elle n'est pas très longue, c'est le fait de s'y jeter. Une fois qu'on s'est jeté et qu'on a dit et qu'on décide de le garder, c'est ce qui est plus long en fait. C'est pas vraiment l'action du travail de la peinture en lui-même. Sur certaines peintures, ça peut être très long, mais sur celle-là, c'était pas vraiment le cas. C'est plus, il faut être plutôt concentré ou très énervé ou très zen, mais ce qui est pour moi la même chose. Donc il faut se balancer dans le lac. Et on n'a pas trop de retour sur celle-là. Hein. De retour, ça veut dire de pataugeage, de marasme. Donc il faut être plutôt... Donc c'est peut-être celle-là qui demandait plus de concentration pour ce travail-là. Voilà, et c'était ça la question, c'est tout. Hein. Oui. À Jérémy. On peut s'appuyer sur une toile qu'on a en visuel, si on veut faire l'exercice. Laquelle a demandé plus de recherche? Alors, c'est pas évident à dire. Effectivement, c'est un travail. Il faut dire que le travail s'étend au-delà, ce qui a été un peu dit ici, hein, mais au-delà du simple fait d'appliquer de la peinture sur une toile. Il y a tout un temps de préparation mentale ou de recherche préalable. Moi, je travaille d'après des prises de vue, des photographies que je réalise, qui parfois peuvent prendre beaucoup de temps avant d'être transférées ou d'être retranscrites sur une toile. Donc, il y a un temps de travail d'abord qui pourrait commencer par des errances, des moments de dérive, essayer d'attraper des motifs, de prise de vue. Ensuite, laisser reposer ça, le mélanger avec la vie courante, avec les lectures, avec les références qu'on peut avoir. Tout ça un petit peu monte comme une sauce. Et le désir monte avec ça de réaliser un format ensuite. Donc ça peut prendre quelques temps. Ça peut être un peu laborieux. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Donc il y a pas mal de photographies qui sont abandonnées en chemin et qui ne vont pas donner lieu à des tableaux. Ensuite, on en parlera plus en détail, mais éventuellement choisir le format, enfin, quelle énergie ça va prendre, quel rapport au corps on veut engager. Et puis se lancer dans le travail. Alors, c'est un travail laborieux également techniquement, puisque c'est également de la peinture à l'huile. Donc, on a les mêmes questions de séchage, de temps de séchage. Et moi, je travaille beaucoup avec des couches superposées, ce qui implique, c'est pas travailler dans le frais, comme on dit, c'est ce qui implique des temps de séchage. Donc, c'est-à-dire que chaque tableau débute par un fond quasiment monochrome, une première couche qui va donner une température générale. Souvent, par là, on a des ocres jaunes, parfois des terres de ciel plus rouges, mais ça peut varier avec des couleurs vertes ou autres, qui vont déterminer une première température. Couche qu'il faut laisser sécher 3-4 jours, naturellement, enfin, sécher. C'est une oxydation avec l'oxygène, donc ça s'appelle cicativer en réalité. On laisse ça cicativer. Et ensuite, l'esquisse première est jetée à grands traits au pinceau directement. Donc ça peut être assez rapide. Les grandes masses aussi, ce qui fait qu'on voit apparaître une image relativement rapidement, j'allais dire, quelque chose de ressemblant, de figuré. Mais après, il y a tout un jeu d'ajustement, à la fois dans les équilibres, on peut effacer, avoir ce qu'on appelle des repentirs, changer la composition, modifier des éléments. et monter, faire monter le tableau couche à couche, parfois avec des ajustements sur la toile, c'est-à-dire que peut-être que je sais, on doit être un peu similaire dans cette façon de travailler. Le fait est, moi je parle parfois du tableau comme d'une arène, c'est les abstraits américains qui parlaient de ça, on se jette dedans comme ça, sans avoir de plan très très établi. En tout cas, c'est pas une reproduction de l'image que l'on préalable d'une esquisse. C'est pas une projection comme ça. Donc il y a toujours un petit peu de hasard et d'aventure, ce qui fait que on ne sait jamais si ça va réussir. Et tout s'ajuste au fur et à mesure. C'est-à-dire que les couleurs peuvent changer radicalement. Et couche par couche, justement, il peut arriver, par exemple, que sur le mur que vous voyez, ou sur le ciel, il y ait quatre couches différentes avec des nuances parfois à peine différentes, parce qu'il faut s'ajuster très finement, trouver la note juste ou bien la saveur juste. Et parfois, il peut y avoir des choses beaucoup plus... des grands écarts. C'est-à-dire que, comme je ne sais pas, tout est possible dans une toile, et bien, peut-être que sous l'arbre qui est vert aujourd'hui, il y avait un arbre rose, orangé ou mauve. Ça a pu arriver à plusieurs reprises avant que tout ça finisse par se tenir et s'ajuster. Donc je crois que j'ai répondu à la question plus ou moins. Oui, merci. Et déjà que vous nous avez fait entrer un petit peu dans les coulisses de vos ateliers, on continue pour savoir un peu plus de vos secrets. Merci. Et on aimerait savoir également les matériaux que vous utilisez d'habitude dans l'atelier, quelle approche par rapport à la posture aussi que vous adoptez pour créer, parce que justement il y a des formats extrêmement grands. Est-ce que vous étendez les toiles par terre ou plutôt vous préférez peindre de façon verticale? Le choix aussi des formats, parce que les formats peuvent aussi changer. Est-ce que vous vous donnez des contraintes par rapport au format? Est-ce que vous faites des défis un peu je peux aller au-delà du format que j'ai déjà abordé? Voilà, un peu tout ça. Je sais que je pose plein de questions en même temps, ça complique l'exercice. Alors, donc, pour les formats, il y a plein de solutions. La première, c'est si on a une proposition d'un lieu, si on nous dit par exemple, si on a par exemple un projet dans une galerie qui est petite avec des hauteurs de plafond qui sont très bas, on est forcément un peu obligé de faire des formats qui vont rentrer dans les murs. Moi j'ai commencé à faire mon grand format, le premier grand, c'est des choses parfois toutes bêtes, hein, c'est-à-dire qu'à l'atelier Saint-Jean il faisait très très froid. Parce que j'avais pas de chauffage, pas d'eau, et l'hiver en Haute-Loire est très froid, donc il faisait à peu près moins 15. Plus froid, parce que c'est un bâtiment industriel, donc tout bétonné, donc il faisait plus froid dedans en plus que dehors. Donc du coup, je me suis dit, j'avais trop mal au dos, et je me suis dit, je vais faire une peinture chez moi. Et le chez moi en question, c'est un Lego qui est tout petit. Et je voulais faire, je me suis dit, il faut que je passe tout l'hiver à travailler sur un seul même format pour être sûr, vu les temps de séchage, de rester plusieurs mois sur le même format. Donc j'avais un mur qui faisait 3 mètres et un autre qui faisait 2. Donc j'ai mis une toile en angle pour faire une peinture de 5 mètres et qui faisait, donc j'ai peint en angle le premier grand format en fait. Et puis là, il y a la VRAC de Millau, la vitrine régionale d'art contemporain de Millau, qui a vu les images sur Internet. Et qui m'a proposé donc de faire une expo donc dans la vitrine. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est une vitrine de rue en fait. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de faire. Donc là, j'ai fait un autre format sur le même système qui faisait 8,30 m de 2,30 m de haut. Donc de long, voilà. Et là, j'ai pris goût. Je me suis dit, c'est fascinant parce que le corps était en gestuel. C'était Je rêvais en plus de faire des décors de théâtre, des décors d'opéra, et je me suis dit c'est l'occasion de commencer c'est l'endurance, donc à commencer à apprendre à faire des choses grandes. Donc voilà, donc là c'était plus par passion et par aussi des problématiques de chaud et d'avoir chaud aux fesses un petit peu. Et puis du coup, il y a eu cette exposition donc à Arcueil, ce projet, donc j'ai pris de plus en plus goût. Et jusqu'à faire des pièces assez impressionnantes pour le château de Maison Lafitte. Là, qui faisait, donc, je leur ai proposé de faire 4 pièces de 5 mètres de haut. Donc en fonction, donc je suis allée faire des recherches avec des photos, des matériaux, des parquets, des tissus, des fauteuils, etc. Et là, comme je n'avais pas un atelier qui faisait 5 mètres de haut, donc là j'ai fait 2,50 m au mur et 2,50 m par terre. Donc je travaillais avec des plateaux qui glissaient sur des... Je faisais glisser des gros plateaux sur des sortes de cales en bois. Donc je travaillais une partie au mur avec des cartons où je marchais dessus quand c'était un peu sec. Donc je dis tout ça parce que donc il y avait une partie qui était peinte debout, l'autre j'étais accroupie comme si j'étais un peu au bord d'une rivière. Donc ça donnait des textures aussi différentes avec des masses qui pouvaient faire des nappes. Parce que si on met de la térébenthine sur quelque chose qui est à plat au sol, on va avoir des matières complètement différentes. Voilà. Donc ça, donc je n'ai pas de solution définitive. Enfin, j'ai pas de. Donc si c'est des j'ai travaillé aussi énormément les moyens formats, les petits formats accroupis. Mais là, c'est pareil, j'ai eu donc des problèmes de bassin. Parce que quand vous restez des heures et des heures accroupis sur la même jambe pendant des années, bah, vous avez des problèmes de dos et de bassin. Donc là, je me suis mis à travailler aussi au mur. Donc tout ça est un peu en fonction de ce que je dois. En fonction des propositions d'exposition. Et puis, par contre, quand je m'autorise les cartes blanches, parce que j'appelle les cartes blanches, c'est-à-dire on fait absolument ce qu'on veut. Donc là, je suis en train de faire des très grands formats. Donc là, c'est l'escabeau. Je monte, je descends. Et parfois, les escabeaux ne sont pas très bien calés. Je tombe et je me casse le nez, parce que ça, c'est les aléas de ce travail-là parfois aussi. Donc voilà, donc j'essaie de me garder en vie le plus longtemps possible, mais c'est assez physique, hein. C'est un métier assez physique quand on veut faire des grands formats. Voilà. Et donc l'autre question c'était, ah oui, l'importance. Donc l'importance, j'essaie de faire le maximum de grands formats avant de ne pouvoir plus physiquement le faire. Voilà, c'est parce que c'est il y a un moment où ça va se tarir un peu cette énergie. Voilà. Merci. C'est physique hein, comme métier. Hein, ouais, oui. Des primes de risque. J'essaie de retrouver la question pour essayer d'y répondre aussi. Quelque chose que j'ai fait tout à l'heure, une question précédente, le côté laborieux ou difficulté. Je voulais dire que en fait c'est ça qui m'intéresse. Oui. Moi j'aime bien. Enfin, ce qui m'intéresse dans le travail, c'est aussi quand ça prend du temps, quand ça rate et quand la toile enregistre tous ces événements successifs. Il y a une frustration par moment si ça fonctionne trop vite d'un coup. Je sens que le tableau n'a pas assez de corps et souvent je suis amené à le détruire pour le refaire et tout ça s'enregistre, s'ajoute. Pour les choix des formats, c'est vrai que c'est un petit peu fou parfois de faire des grands formats, c'est compliqué à stocker, c'est coûteux, c'est pas forcément facile à vendre, et c'est très physique, donc c'est un peu absurde, mais il y a des nécessités, parfois des compositions, des images qui nécessitent ça. Ça engage un rapport au corps particulier, à la fois chez nous dans la pratique, mais aussi dans la logique de l'œuvre elle-même par rapport au spectateur, comment on se sent par rapport à une petite œuvre avec laquelle on a un rapport plus intimiste ou une grande œuvre dans laquelle on peut pénétrer de corps ou avoir la sensation qu'on est immergé dans un milieu. Et parfois, c'est ça qui va déterminer ces choix de format. Et par moment, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est l'énergie qu'on a nous-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a certains jours où vous êtes incapable de faire quelque chose de grand, et il faut se concentrer, on a l'impression qu'il faut être assis au bureau. Et d'autres moments, on a une énergie... pour des choses plus amples, et ça justifie de se relancer dans ces grands formats. Pour ma part, ils sont tous travaillés au mur. Alors, toi, je crois que tu travailles beaucoup avec des toiles libres, souvent. En ce moment, oui. On en parlait tout à l'heure dans les coulisses, avant qu'on se voit, le fait de... Alors, toi, tu travailles en module, aussi, ce qui est un petit peu différent, mais bon, après, tu les assembles sur le mur... Et j'ai entendu dans l'interview on fait aussi en fonction des espaces qu'on a, c'est-à-dire la limite soit de l'embrasure, enfin l'embrassement qu'on a des bras pour tenir les toiles, les transporter, les déplacer, soit l'espace du mur qu'on a. Voilà. Toi, je ne sais pas, la superficie de ton atelier, Mais moi, j'ai la chance d'avoir maintenant, enfin d'avoir un grand atelier avec 5 mètres de hauteur de plafond maintenant, parce que j'ai trouvé une solution pour avoir un atelier comme ça, mais on fait un peu avec les moyens et on jongle, parce que c'est trouver des combines, trouver des astuces. Si on nous propose, on vous dit il faut faire une grande pièce, mais on n'a pas les moyens, on ne sait pas comment faire. Et ce que je disais tout à l'heure, pour les formats de 5 mètres, j'ai proposé de leur faire des pièces de 5 mètres, mais je n'avais pas trouvé encore la solution. Et je l'ai trouvé après, et on se sent aussi un peu... dans ces moments-là, c'est des moments de jouissance. Ce n'est pas une histoire d'être invincible, mais c'est comme si on avait un peu gagné aux cartes, quoi. On avait gagné un truc, on est comme des petits machins, voilà. On aime bien se challenger parfois, c'est difficulté ça. Pour avoir le plaisir de trouver une solution plus ou moins sinueuse. Oui, parce que moi je disais, je travaille avec des formats qui sont déjà établis, déjà entoilés. Donc j'ai déjà la structure, l'objet géométrique qui est déjà très présent. C'est un travail très composé, enfin beaucoup sur les ajustements, quelques centimètres près. Parfois, si une composition n'est pas bonne, il faut reprendre tout le tableau et décaler de 3 cm à droite ou à gauche pour rééquilibrer les choses. Cet ordre-là. Donc oui, c'est ça. Je pense que celui-ci avait la taille maximum du mur de l'atelier à l'époque. J'ai pas des 5 mètres sous plafond, pas encore aujourd'hui non plus. Et c'est infernal à chauffer, ça aussi, c'est la difficulté. Mais oui, le lieu, effectivement, le lieu de l'exposition, quand c'est un travail qu'on appellera in situ pour un projet spécifique, bien sûr, nécessite parfois de choisir des formats ou de se lancer des aventures comme ça un petit peu grandes. Et la question est des postures, tout ça, oui, aussi, je veux dire que moi, je suis admiratif des artistes qui ont des ateliers tout propres, tout bien rangés, et qui, on en parlait tout à l'heure, qui disposent leur palette sur les tables, quelque chose de très organisé. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un truc très primitif ou très, très étrange qui fait que je travaille un peu bizarrement, rien n'est organisé bien. Souvent, j'ai des assiettes qui me servent de palette, qui sont posées au sol. Je marche dedans, enfin c'est un peu un chaos, il y a des tubes partout. Moi je travaille beaucoup avec la coulure, la verticalité, c'est pour ça aussi. Jouer avec la matière qui accuse la surface en glissant toute la surface, donc qui joue à contredire par moment l'illusion qu'on a d'une profondeur figurée, tous ces jeux-là. Et c'est un peu chaotique, donc j'ai plein d'assiettes, plein de tables, de bacs, de réserves. Dans lequel je pioche, dans lequel je mets de la peinture ici et là. Beaucoup d'essence de terbentine, donc ça se dilue, ça coule dans tous les sens. Et je viens un peu tatouiller par terre, accroupi, effectivement, on se casse le dos dans tous les sens. Je reviens, j'ajuste. Donc c'est sportif souvent, parce qu'on a parlé de la verticalité tout à l'heure, monter, descendre d'un escabeau, et puis on est tout le temps aussi à travailler la tête dedans. Donc on se rapproche, on frotte, on se fait les bras, et puis on recule. Prendre le temps de voir ce qui s'est passé, prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de faire, ce qu'on n'avait pas forcément prévu, mais essayer d'analyser ce qui se passe quand on fait. Donc il y a ce jeu perpétuel et qui fait aussi partie du travail. Des fois on ne le dit pas, mais on peut passer des heures à l'atelier. Moi, il m'arrive de passer une heure sans toucher le pinceau, mais à travailler quand même. Parce que je suis là mentalement à imaginer plein de possibilités d'ajustement et prendre du recul, revenir et mentalement se dire tiens, on cache une partie, on la modifie, on change de couleur. Donc voilà, un travail physique. Oui, il faudra organiser les Olympiades pour des artistes, vu que quand même, c'est vraiment physique. Mais c'est intéressant de voir que cette posture par rapport au format et par rapport aussi aux exigences des commandes qui peuvent arriver vont influencer directement votre travail. Et par rapport toujours à vos œuvres, il y a aussi une phase qui est intéressante de comprendre, et c'est celle relative au choix des titres de vos œuvres. Est-ce que, avant de poser la couleur sur votre toile, vous avez déjà en tête le titre, ou c'est la dernière étape que vous vient à l'esprit? Pour Jérémy, peut-être c'est plus automatique. Du coup, si tu veux commencer. Pour changer d'ordre. Ça peut être rapide, effectivement, me concernant. Après, il peut y avoir des surprises. Hein. Oui, parce que là, on parle pour moi d'une série principale qui s'appelle Paysage, ou Landscape au départ. Mais je ne travaille pas qu'une série, donc j'ai deux travaux. Voilà, les archives des désastres qui sont un ensemble de dessins. Elle est collée à côté. Bien travaillé. Donc voilà, donc chacune a des titres et engage des choses différentes. Il y a le recours fréquent chez moi au sans-titre, pour toute une série de petits formats, qui est une façon aussi de ne pas vouloir... moi, ce sont souvent des lieux, donc on peut se dire qu'on va essayer de les reconnaître de manière anecdotique, tiens, ici, c'est là, et se rassurer avec ça. J'ai voulu évacuer cette vision, cette interprétation, surtout que le fait que ce sont des réalités picturales, donc même si ça s'inspire souvent de photographies que je prends, donc de lieux réels, c'est tellement modifié, ajusté, transformé et abstrait, dans un certain sens, qu'il ne s'agit plus d'un lieu tout particulier. Là, je suis presque un contre-exemple en face de vous, puisque on peut très, très rapidement, quand on connaît le lieu, reconnaître un petit peu une vue de la ville à Noailles hier, dans le sud de la France. Mais voilà. Et donc, ces tableaux que vous voyez, comme la plupart, sont depuis fin 2004, je le disais, titrés simplement paysage, numéro. Ce qui fait que, oui, en quelque sorte, je peux savoir quel est le titre du tableau quand je commence. C'est plus complexe que ça, parce qu'en réalité, je travaille plein de choses, certaines rates, et c'est qu'à la fin, je vais lire le titre du tableau précédent pour pouvoir déterminer lequel c'est celui-ci, donc le numéro qui correspond. Et c'est pas anticipé vraiment, et c'est pas d'importance particulière. Mais en tout cas, voilà, c'est cette espèce de protocole de neutralité de titre qui fait que ça engage tout ça dans une seule série. C'est un ensemble des paysages qui travaille à la fois plein de fragments de paysages, la notion de paysage, et qui cherche à échapper à l'anecdote du c'est où, c'est quoi, on reconnaît ou on ne reconnaît pas, puisque ce n'est pas la question. Alors, moi, en ce qui concerne les titres, je pense souvent au fait que dans certains pays, on donne le prénom aux enfants, comme par exemple en Suède, 3 mois après. En certaines ethnies sud-américaines, c'est 3 ans après. Je parle de ça parce que mettre un titre, le titre, ça fige quand même. Hein. C'est quelque chose qui fixe les choses. Donc je me dis tout le temps comment on fixe les choses. Est-ce qu'on peint une pomme et on dit donc ceci est une pomme. Est-ce qu'on peint une pomme comme Magritte ou une pipe, on dit ceci n'est pas une pipe ou ceci, etc., etc. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de... Donc parfois, donc il y a un ensemble. J'ai un peu du mal à parler de séries, même si ça s'appelle des séries. Mais c'est plutôt des ensembles qui vont se former parfois d'une façon un peu aléatoire. C'est-à-dire qu'on est parti pour faire une seule peinture, et puis il va y avoir 2, 3, 4 d'un ensemble, et qui va s'appeler, comme par exemple cette série d'ensembles de peintures, qui s'appelait « Enfer et contre tous ». Celle-ci, il y a eu beaucoup de pièces qui s'appelait la colonie pénitentiaire, donc 1, 2, 3, 4. Donc la colonie pénitentiaire, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Kafka, cette nouvelle. Ça vous dit quelque chose, quelqu'un ? Oui. Donc c'est l'histoire vite fait de quelqu'un qui se retrouve dans un endroit, une colonie, où il y a une machine à tuer, en fait, à tatouer, et à tatouer jusqu'à la mort. Donc c'est encore un sujet très très jouissif. Et quand j'ai relu la nouvelle de Kafka, parce qu'un titre ça peut venir comme ça en fait, la description de la machine est atrocement magnifique, c'est-à-dire que cette machine c'est une machine à tuer, mais la description que Kafka en fait et l'écriture même de la nouvelle est sublime. Et donc j'ai commencé à faire une peinture m'inspirant, c'est pas des illustrations, hein, c'est comme des déclencheurs, la nouvelle a été un déclencheur, et à partir de là, donc là on peut reconnaître, parce que moi-même je ne suis pas sûre, mais on voit une roue qui fait écho en fait aux roues de l'Inquisition espagnole, entre autres, on voit une tête sur un trépied, on ne sait pas très bien si c'est une tête qui pourrait être un début de sculpture dans un atelier de sculpteur. etc. On peut voir un voile, on discerne une espèce de structure qui pourrait être une machine à coudre, enfin une structure de machine à coudre. Donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Quand j'ai vu, quand j'ai commencé à faire plusieurs peintures, qui évoquaient ou convoquaient en tout cas à mes yeux cette nouvelle, donc j'ai décidé de mettre ce titre-là et en mettant donc des numéros, puisqu'il y en avait plusieurs. Et puis j'ai fait le commandant de la colonie, parce que dans l'histoire, il y a un commandant. Et donc j'ai fait une peinture qui s'appelle le commandant. Et pour celle-ci, Enfer et contre tous, c'est une série de peintures que j'ai fait en format figure, donc c'est-à-dire dans ce sens-là, vous savez, le format figure. Et puis, donc je crois que c'est 4 ou 5 ans plus tard, je n'avais plus d'argent, et c'était un ensemble de peintures que je n'avais pas terminé. J'avais plus de châssis, j'avais plus de toile, j'avais plus rien. Donc j'ai pris cet ensemble de peintures qui était en figure et je les ai tournées en format paysage et je les ai continuées en format paysage en gardant des éléments du début. Donc c'était Enfer et contre tous, j'étais dans un espèce de chaos mental et j'avais l'impression d'être en enfer dans la matière et on dit seul contre tous et donc c'était Enfer et contre tous pour cet ensemble de pièces. Et celle-ci s'appelle donc Pluie noire. Parce que vous vous souvenez qu'elle faisait partie de l'exposition qui s'appelait Beauté et calamité. Donc il y avait des peintures qui traitaient de la beauté du monde, mais qui traitaient aussi des malheurs et des horreurs du monde. Et celle-ci, j'ai pris. Ce que je fais souvent, c'est soit je prends le titre d'un livre ou le titre qui a, enfin le titre d'une nouvelle, ça peut être le titre d'un film. Et là, c'est le titre d'un film qui était un roman d'ailleurs d'Imamura. Qui parle des retombées en fait d'Hiroshima, enfin de ce qu'on appelle la pluie noire, donc ces pluies qui retombaient après les explosions nucléaires et qui ont contaminé en fait un nombre de gens incroyables qui ne le savaient pas d'ailleurs la plupart du temps, qui l'ont su très longtemps après. Donc dans cette folie des couleurs et de gestuels qui parle quand même de ruines, hein, on est dans une ruine colorée, mais qui est donc le titre pour en venir à cette problématique, le titre fait basculer quelque chose qui est quand même, on peut percevoir quelque chose qui est de l'ordre de la ruine, mais qui va accentuer le décrochement, ce que j'appelle le décrochement de l'œuvre qu'on voit. On va le décaler et on va le faire basculer dans une autre situation. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, petit détail, c'est que si on ne voit pas les cartels, parce que quand on est dans une expo ou dans un musée, on va plutôt voir les œuvres, puis quand on s'approche, donc ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir si quelqu'un s'approche et regarde le cartel ou pas. Là, par exemple, il va y avoir quelque chose de coloré, de plutôt jouissif, qui a l'air comme ça. Et puis s'il s'approche et qu'il voit plus noir, ça donne aussi un système de précision ou de décalage ou j'allais dire, de contre-courant. Donc c'est... Alors pour moi, les titres sont très très importants, mais en tout cas, je comprends aussi j'ai beaucoup pensé. Je connais plusieurs artistes, et c'est une façon, et je trouve ça aussi c'est très intéressant, de numéroter les toiles, parce que c'est une façon aussi, peut-être pas toi, Jérémy, parce qu'on se connaît pas assez bien, mais une façon de se décrocher du temps de. Alors c'est aussi ça, du temps de recherche. Et parce qu'il faut passer beaucoup de temps pour trouver quelque chose qui fonctionne et de pousser en fait cette architecture d'apparente froideur, je dis, ça c'est joliment dit, hein, d'apparente froideur du paysage qui en fait demande beaucoup d'acuité pour les constructions, les encadrements, etc. Et le titre va dans la poursuite de cette quête de picturale, en fait. Donc, voilà, je trouve que c'est que ça va dans la marche de cette quête, en fait. Voilà. Je suis là. Je voulais simplement ajouter une question à déjà qu'on est sur les titres, parce que je me demandais si vous avez archivé toutes les œuvres que vous faites avant de les laisser partir. Non, parce que je n'ai pas le temps. Et si j'avais un assistant, ce serait un ou une assistante. Non, je veux dire, ça demande beaucoup de temps. Et puis, ça dépend comment on fonctionne. Si on fait plein de choses en même temps, je pense que tu en travailles plusieurs en même temps aussi. Et parfois, ça va tellement vite, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas si elles sont terminées ou pas. Donc, on les met de côté. parfois elles partent, on dit aux galeristes, ou on dit à certains, on leur dit faites des visuels, j'ai pas eu le temps de le faire, parce que hier par exemple, il y a un photographe professionnel qui est venu à l'atelier pour faire des photos, mais quand on a fait 10 ou 15 clichés, parce que ça demande beaucoup de temps, et qu'on a fait par exemple 20, 30 ou 40 pièces, on se dit bah, je les ferai plus tard, ou, et puis on les fait pas, et puis elles partent à une expo, elles sont vendues, la personne ne fait pas les photos, donc on n'a jamais de retour. On ne peut pas tout archiver parce que parfois c'est voilà. Donc c'est très très compliqué d'avoir. Il y a plein de peintures, je ne sais pas où elles sont, je n'ai pas de visuel et je ne sais pas qui les a. Et, parce que les galeristes, par exemple, quand ils les vendent, ne nous disent pas à qui ils les vendent. Donc on ne sait pas si elles sont en France, si elles sont à l'étranger, voilà, on ne sait rien. C'est pour éviter qu'ils viennent acheter directement dans les ateliers. Il faut dire ce qu'il y a parce que c'est la vérité. Et donc voilà. Et pour nous, c'est assez embêtant parce que s'il y avait une rétrospective, par exemple, dans un musée, ben on a un petit souci parce qu'on ne sait pas où aller les chercher. Et voilà, si par exemple, il y a plein de choses qui sont... Ça, c'est les coulisses un petit peu complexes de ce métier-là. Et toi ? Bon élève ou mauvais élève ? Bon ou mauvais élève. En progrès, en tout cas. Oui, ce sont des questions. C'est lié à la façon de travailler souvent. Comme Christine, il m'arrive de travailler toutes sortes de tableaux en même temps. Certains qui sont en cours de séchage, qui attendent des mois. Certains qui sont dans des impasses et qui attendent aussi qu'ils patientent. Donc tout ça est pas très linéaire. Voilà, il n'y a pas une chose après l'autre. Et puis en plus, je suis un petit peu désordonné dans le travail, donc ce qui fait que ça part dans un sens et dans l'autre. Et c'est sont des besoins non rationnels qui régissent tout ça, cette économie-là. Et donc, c'est pas évident de savoir combien on a fait d'œuvres. Certaines ont pensé les avoir faites, et finalement, on juge plus tard, 2 ans plus tard, des années plus tard, que c'est pas fini, donc on y revient. Quelle date mettre derrière, etc. Enfin, tout ça est un peu confus. J'ai essayé depuis quelques années, confronté à des problèmes dans des expositions où, pour organiser une exposition, on dit qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous voyez des images haute définition, les titres, les dimensions, les dates, etc. Et c'est un travail énorme qui demanderait un travail de secrétariat quasiment. J'essaie maintenant régulièrement de faire photographier les choses, de tenir un registre où j'essaie de mettre les titres, les dates, les dimensions. C'est évidemment plein de lacunes dans tous les sens. Une anecdote qui témoigne un peu de cette façon de travailler un peu chaotique, et le fait que parfois, quand les galeristes envoient des transporteurs qui passent prendre les œuvres pour les emmener ici ou là, dans une galerie ou ailleurs, parfois je n'ai pas signé. Il y a des gens qui plus tard, qui ont des tableaux chez eux, qui me demandent est-ce que je viens de les signer au dos, parce que c'est quand même un geste symbolique important, pour dire que voilà, le travail est tellement tout le temps, toujours en cours, et... C'est la dernière chose qu'on fait, enfin, c'est pas évident. Et maintenant, j'aimerais bien faire un saut dans le temps et arriver dans l'époque où vous avez compris que vous étiez lancé vers une carrière d'artiste. Ou les indices qui vous ont fait penser je veux faire l'artiste dans ma vie, voilà, votre premier souvenir d'artiste, en quelque sorte. Alors moi, j'ai pas vraiment de souvenir d'artiste, parce que c'est un peu quelque chose de comme du sable. Enfin, je vois ça un peu comme du sable qui coule. Par contre, ce qui m'a fait choisir faire ce trajet, en tout cas, c'était de fuir, enfin de partir de la ferme. Parce que voilà, je viens d'un milieu un petit peu rock'n'roll, enfin d'une famille assez dure, et donc il fallait partir le plus tôt possible. Donc faire les Beaux-Arts, c'était une solution pour partir et pour s'enfuir, en fait. Et il y avait ce choix de partir mentalement, donc à travers les couleurs, à travers les formes, et de la poésie, en fait, hein, de partir dans des univers poétiques et de passer beaucoup de temps avec soi. Est-ce que j'ai compris aussi que j'avais besoin d'être seule, d'être solitaire. Et ce travail me permettait de passer beaucoup de temps avec, non pas avec moi-même, mais avec une perception que l'on a des choses qui nous entourent. Moi, je passe beaucoup de temps dans les bois, dans mon jardin, parce que j'ai plusieurs jardins, et de passer du temps avec les végétaux et d'agencer le jardin comme mes peintures, d'ailleurs. La façon dont j'organise la végétation, enfin j'organise, donc c'était un jardin un peu fou, un peu à l'anglaise, un peu foutraque, et avec des buis par exemple qui sont extrêmement bien taillés mais qui viennent coordonner l'espace du jardin en fait. Et donc les peintures, c'est la même façon. Il y a des choses qui sont jetées et assez qui paraissent assez désorganisées, et en fait je réorganise tout ça avec le biais d'un miroir. Donc j'ai pas vraiment de moment précis où je me suis dit je suis artiste, ou peut-être la première expo chez Jean-Michel Marchais, parce que c'était une expo personnelle. Et quand on voit par exemple 2 ans de travail sur les murs d'une expo, enfin d'un lieu, on se dit que ben, on est fait pour ça. Enfin, on est fait pour ça. On a travaillé et, justement en solitaire dans les coulisses, et puis c'est montré au public. Et donc il y a le regard d'étrangers, enfin qui sont étrangers aux coulisses de l'atelier et qui viennent voir le travail. Donc là, on se dit oui, il s'est passé quelque chose, mais c'est pas défini en tant que je me qualifie. J'ai toujours un petit peu de mal avec le mot artiste, parce que on sait très bien qu'il y a eu ce passage entre l'artisanat, l'artisan et l'artiste, avec justement par le biais de la signature qui a chamboulé cette perception de l'œuvre faite. Et mais j'ai toujours un peu de mal, parce que je me sens artisante, parce que c'est la main qui fait quand même, hein. c'est le cerveau et la main, mais c'est la main qui produit, qui fait, qui fabrique, justement, puisque on est dans cette histoire de secret de fabrique. Le cerveau est très important, mais c'est quand même la main qui fait. Donc la notion d'artiste m'échappe un petit peu. C'est plutôt les autres en fait qui renvoient d'ailleurs cette image là quand on vous dit ah, mais vous êtes un peu artiste, parce que vous êtes un peu pas comme les autres, ou que vous vous habillez pas comme les autres, ou que vous pensez pas comme les autres, etc. Donc c'est plutôt le regard des autres qui vous fait faire dire cette chose, en fait. Généalogie, c'est ça, revenir au moment premier. Est-ce que c'est Blaise Sandrars ou Jacques Prévert, je ne sais plus qui avait une réponse quand on lui demandait pourquoi vous écrivez, et il répondait de manière un petit peu exténuée, comme ça, bon qu'à ça. Alors, moi, ça c'est aussi été une sorte de choix par défaut, étant donné que, au point de vue scolaire, je n'étais pas déterminé par d'autres capacités ou compétences dans d'autres domaines. Au point de vue social, je pense non plus. Il y avait ce côté aussi peut-être mélancolique, ou enfin d'aimer faire un retour sur soi, retour à soi, penser les choses en marge, réfléchir, être en travail, il y a des choses un petit peu périphériques de la vie courante et qui ne sont pas forcément très, très rentables socialement, etc. Il y a cette façon de se déterminer aussi de manière négative, d'être déterminé par les autres, c'est comme un peu les trous noirs en astrologie, où, on va les voir, on comprend pas bien, mais on sent qu'il y a une perturbation tout autour. Donc, par défaut, on se dit à cet endroit-là, il y a quelque chose qu'on pourrait définir comme une matière noire, une manière, ou un artiste. Voilà. C'est quelque chose. Alors, moi, est-ce que j'ai des problèmes avec le monde artiste ? Non. Il y en a qui disent qu'il y a des bons et des mauvais artistes. Enfin, il faut pas c'est pas un critère hiérarchique, c'est pas un Graal. Simplement, oui, définir une activité comme ça, qui est à la fois, j'aime assez cet équilibre, à la fois un travail éminemment manuel, une fabrique, un artisanat avec tout ce qui encombre l'atelier et toutes ces petites recettes qu'on a, et une pratique également éminemment réflexive et sensible. On va toujours sans cesse de l'un à l'autre, où à la fois on réfléchit, on pense, on ressent, on y va de manière intuitive, et puis on bricole des choses. C'est ça qui me plaît beaucoup dans ces pratiques-là, dans ces métiers, si on veut, dans ces activités. Après, le temps passant, le fait qu'on soit engagé ensuite dans des expositions dans des lieux, des musées ou des galeries, fait que ça devient une sorte de métier. Enfin, on se professionnalise, on fait attention à faire sa comptabilité ou des choses comme ça, ou faire des listes d'envoi de prêts, enfin, tout ça. Mais ça reste, on fait ça, mais de manière un petit peu bancale, biscornue, à l'envers. On garde une relation un peu libre avec tout ça, et c'est ça qui me semble déterminer ou définir ce qu'on appelle l'art et les artistes. J'ai resté dans l'atelier pour vous demander, en réalité, quelles sont les conditions pour vous pour créer, c'est-à-dire aujourd'hui je me réveille, je sais que je ne pourrais pas aller en atelier pour créer parce que ça ne va pas, tandis qu'aujourd'hui je me réveille, ben, je peux créer. Et comment est-ce que vous vous mettez en situation? Est-ce qu'il y a des petits rituels avant d'attaquer? Alors, les rituels dans l'atelier précédent, parce que je vous ai dit, j'ai changé d'atelier il n'y a pas très longtemps, donc il y a environ un an que je travaille dans un nouvel atelier où j'ai du chauffage, de l'eau, et de l'espace et de la hauteur et tout ça. Donc il y a, auparavant c'était quand même café clope, musique très forte, de la musique assez speed. Enfin, je peux basculer de l'un à l'autre, hein, musique très très énervée, musique allemande, voilà, et puis de la musique classique, parce que ça me permet de voir les peintures aussi. Parce que quand je travaille, c'est la sismie, hein, donc si c'est la musique gore allemande, c'est donc ça va être et c'est bien de marier ça avec de la musique classique, où on va être par exemple dans les détails, enfin voilà. Donc ça me permet, voilà. Donc ça c'était un peu avant, et puis j'ai arrêté de fumer il y a environ un mois ou un mois et demi. Donc c'est plus café clope, parce que café ça veut dire clope. Donc maintenant c'est plutôt tisane été, et je fais un petit tour de toutes les plantes que j'ai dans l'atelier et dans le nouveau petit jardin que j'ai réussi à faire dans la cour. Donc je vais d'abord arroser tout le monde, parler à tout le monde, ensuite je me mets au travail assez difficilement ces derniers temps, parce que justement cet atelier est trop beau. Il est trop blanc, il est trop grand, il est trop propre, et il est un peu trop tout. Et il est aussi dans une petite ville qui est en face d'une école, et donc il y a un peu trop de bruit à mon goût. Donc là, je fais plutôt 17h, 5h du matin en ce moment. Je suis de nuit, je fais les 3-8, et là je suis plutôt de nuit en ce moment. Parce que la rue est une rue, hein. C'est une petite ville, mais c'est passant. Donc ça me dérange beaucoup. J'ai toujours la tête qui va regarder dehors machinalement, donc j'ai du mal à me concentrer. Donc là je travaille de nuit parce que je sais que la nuit dans cette petite ville il n'y a personne. Après, donc au niveau des cernes et de la fatigue, c'est donc je vis un peu décalé, hein. C'est la seule façon que j'ai trouvé pour m'habituer à ce nouveau lieu qui est pas si facile que ça. On pense parfois avoir de très bonnes conditions de travail et on va être heureux comme tout, et en fait ça fait l'inverse. On peut travailler très bien dans des conditions très dures. Donc c'est chacun, on fait un peu comme on peut. Alors, pour ma part, comment ça se passe? Ces 10 dernières années, moi j'avais beaucoup d'activités d'enseignement par ailleurs, et puis j'avais des enfants en bas âge, enfin ils sont toujours un petit peu jeunes, mais ce qui déterminait beaucoup, de manière très pragmatique, mon emploi du temps avec des horaires d'école, etc. Mon temps d'atelier était très très segmenté, découpé, ce qui est très très frustrant. Mais ça crée une pression qui faisait que je devais être efficace quand j'y étais, des fois une heure ou deux heures à la suite, pas plus. Et ce qui faisait que j'emmagasinais de la frustration, ce qui faisait par ailleurs que quand j'avais d'un coup des temps de travail plus amples, des larges moments, je lâchais un petit peu les vannes, j'ouvrais les vannes. Notamment ce qu'on appelle les résidences d'artistes, c'est quand on est invité pendant une certaine durée à certains endroits avec un atelier à disposition. Et là, c'était des moments un peu où on pouvait se faire retour sur soi, un peu avoir beaucoup d'étendue, beaucoup de temps pour travailler avec un peu de recul. Aujourd'hui, j'ai mis un petit coup de frein à tout ça, donc je dispose de journées à peu près libres à l'atelier, donc je peux savoir quand j'y vais ou pas, je détermine mes horaires, ce qui est une grande chance. Malgré tout, il y a des moments effectivement où on sent que ça ne va pas aller, enfin, ça ne sert à rien d'y aller parce que ça ne va rien donner, et d'autres moments, au contraire, tout se passe bien. C'est difficile de savoir un petit peu à quoi ça tient. Il y a sans doute toutes sortes de paramètres extérieurs et intérieurs, dû à sa propre énergie, à sa fatigue, aux événements extérieurs qui nous polluent les oreilles ou la tête, toutes sortes de choses comme ça. Des rituels, je mets de la musique aussi, j'ai mon petit pick-up et je fais passer des disques de Nina Simone ou de Bob Dylan en arrière-fond. Schubert parfois, à un moment donné, ça, effectivement, ça change un peu le tempo et ça détermine beaucoup la chorégraphie gestuelle ou les regards qu'on porte sur le travail. Parce que tout ça, on parle parfois d'images, mais en fait, il est moins question de représenter quelque chose de manière reconnaissable ou fidèle que de transmettre quelque chose qui dépasse un petit peu les mots, les définitions, qui sont plutôt de l'ordre de sensations, des choses comme ça. Donc c'est très, très impalpable. Et j'ai la chance, pour l'instant, pas trop stress par rapport à ça, d'avoir encore l'envie d'y aller régulièrement avec quelque chose à dire, quelque chose à faire. J'ai pas des voisins bruyants, pas plus que ça. Et mine de rien, on se met dans une bulle. Moi, c'est vrai que l'atelier, c'est un espace un petit peu périphérique, un peu en suspens hors du temps, de manière, comment dire, intuitive, je ne sais pas comment. Je me coupe un peu les oreilles sans le vouloir. Enfin, quand je suis concentré sur ce qui se passe, peut-être que l'atelier peut brûler, je ne me rendrai pas compte quand on est au travail là-dedans. J'aime bien cette remarque de Nietzsche dans, je pense, la préface à la naissance de la tragédie, je crois, où il dit l'Europe était à feu, à sang, ça tonnait à droite, à gauche. Moi, j'étais isolé dans les Alpes, à noter mes pensées sur les Grecs, à la fois très soucieux et très insouciant. Donc il y a cet aspect-là, comme ça. Camus parle de solitaire, solidaire. Il y a ce double aspect où on est à la fois des solitaires dans notre grotte, en train de travailler isolé, en faisant une bulle ou une parenthèse, et en même temps, on est très touché, très traversé par tous les tumultes du monde et tout ça. Donc, on va sans cesse de l'un à l'autre. Merci. Je vais faire deux petites dernières questions, et après, je vais laisser la parole au public. Je pense qu'on a envie de poser des questions, j'espère. Je voulais déjà vous demander, vu que c'est une exposition dans laquelle on a demandé aux artistes de mettre vraiment la main à la pâte, dans un certain sens, pour vraiment choisir les objets à exposer, écrire vos propres textes pour parler de votre travail. Pourquoi vous avez choisi ces objets pour vous représenter un peu? Vu qu'on ne voit pas ceux de Jérémy, sont des notes photographiques. Il y a une esquisse, des palettes, des pinceaux et un carnet de croquis aussi. Et celle de Christine, on peut simplement tourner la tête, on en voit quelques-uns, et après il faudra bien sûr s'approcher pour regarder de plus près. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais être bref, c'est peut-être bien qu'on échange un peu ensemble. Pour les objets, vite fait, c'est des objets de mon gros bazar général de l'atelier, de la maison, parce que je collectionne beaucoup de choses et je chine beaucoup de choses. Les objets que je sélectionne dans mes quêtes, dans mes recherches, sont des objets, en fait, donc soit je vais prendre littéralement comme ils sont et que je vais inclure, donc on peut ne pas les reconnaître dans les peintures, c'est-à-dire que je vais... prendre un endroit, une ligne, une masse, une section, par exemple, de l'objet, où on peut les reconnaître littéralement. Et puis, c'est une façon de... C'est comme si j'avais une sorte de carnets avec des physicalités en fait, donc des lisses, des mattes, des céramiques, des tenues, des lignes. Donc au lieu d'avoir des photos, j'ai aussi des photos et des bouquins, mais là c'est le fait de pouvoir les tenir dans la main et de pouvoir les toucher et qui amplifie en fait la texture et les matières que je vais utiliser dans les peintures. Et c'est une façon aussi poétiquement de voyager à travers le corail va devenir branche, va devenir tronc, va devenir arbre, le petit va devenir immense dans la toile. La pierre de rêve qui est sur le socle là, c'est du marbre et qui est, je ne sais pas si vous connaissez les pierres de rêve, ça vous dit quelque chose? Donc c'est Roger Caillois, on a énormément parlé dans ses écrits, entre autres, et c'est une façon en fait de rêver. Donc pour faire court là, vous voyez, on reconnaît des montagnes dans le cercle, et en fait c'est du marbre qui est coupé. Donc il y a plusieurs, on peut retrouver en Italie par exemple, il y a plusieurs carrières de marbre qui ont été choisies par l'homme, donc tranchées, coupées et mis. On trouvait ça dans les cabinets de curiosité en fait au 19e, et qui permettait d'appréhender le monde en quelque chose, donc métaphoriquement, poétiquement, et d'une façon un peu mystique, et de pouvoir aussi voyager en fait à travers ces pierres. Donc il y en a plein de formes, hein, plein de formes et plein de matériaux différents, et qui paraissait qui donnait une possibilité de voyager en fait dans l'espace, dans la philosophie, les métaphores du monde. Donc c'est une pierre de rêve, elle porte bien son nom. Donc tous les objets que vous allez pouvoir voir sur la table là-bas, il y a par exemple aussi un cendrier qui est, alors moi je le vois plus comme un objet, je le vois plus comme des sculptures d'ailleurs, hein. Donc c'est un cendrier, mais qui est une pierre de lave volcanique de Haute-Loire, et qui a été, où il y a eu de la céramique qui a été coulée et cuite. Et en fait, pour moi, ça évoque la terre, les explosions, les écoulements. Donc, c'est un peu rappeler matériellement tous ces objets. Parce que, donc là, on a fait une petite sélection. Hein, et donc, tout l'atelier est rempli de tout un tas de champignons secs, par exemple, de pommes de pin, d'écorce, de tableaux anciens, de gravures anciennes. Et tout ça, cette espèce de grand fatras. Enfin, ce fatras, cette espèce de grand nombre d'objets incroyables, me permettent de faire des liens et de faire des échos, et ce que j'appelle aussi les peintures silencieuses qui n'existent pas, c'est-à-dire entre les collusions entre les objets les propositions de gravure, par exemple, ou de peinture, me permettent de créer d'autres images dans ma tête qui n'existent pas physiquement, en fait. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, beau répertoire de formes, ça me fait envie, toi. J'adore. Les références à Caillois, etc. Enfin, des sources communes, c'est amusant de découvrir tout ça. Moi, c'est beaucoup plus simple d'une certaine manière, parce que je vous ai juste posé des pinceaux, des photographies d'atelier, des palettes, enfin des boîtes qui me servent de palettes, pour peut-être témoigner de l'économie extrêmement rudimentaire de l'atelier, du travail. Ce qui me plaît beaucoup dans le fait qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de technologies qui sont à la portée de main, accessibles, et on pourrait réaliser des environnements numériques, digitaux, etc., augmenter toutes sortes de choses. Et malgré tout, j'ai pour ma part un attachement comme ça, des techniques assez anciennes, assez traditionnelles, en me disant que c'est formidable de pouvoir, avec peu de choses, une sorte de boue colorée, une surface et quelques outils, transfigurer ou créer des images, parler encore de notre monde présent ou de notre façon de le percevoir ou de le recevoir. Je suis fasciné par ailleurs par les peintures anciennes de Lascaux ou Chauvet, où on a une économie de moyens qui aboutit à des choses extrêmement poignantes, touchantes. Donc oui, là, ce sont simplement des petits éléments d'atelier en se disant, tiens, une barquette pour mélanger des couleurs, un morceau de bois avec des poils au bout pour l'appliquer sur une surface, et c'est parti. Accompagné d'une esquisse, c'est très rare que je fasse des esquisses, mais là, c'était dans le cadre d'une commande. Je sais qu'on a évoqué ça à un moment donné, c'est assez rare à mon travail, mais c'est m'était arrivé que des personnes souhaitent commander un travail, et donc je leur faisais une suggestion, une proposition comme ça, papier, avant de faire quelque chose sur une toile, en prévenant qu'il pouvait y avoir un écart extrêmement large, grand, entre la projection sur papier initiale et ce qui est la réalité de la toile à la fin, ce qui pouvait advenir dans tout ce jeu hasardeux du travail. Et des photographies, puisque je pars effectivement de ces notes photographiques qui sont une sorte de carnet de croquis, puisque je fais des photographies quasiment quotidiennement qui permettent de noter des lumières, des relations, des éléments visuels, des détails qui pourront ensuite suggérer des compositions, des tableaux ou toutes sortes de choses. Voilà. Je m'arrête là avec les questions de ma part. Pour laisser la parole plutôt au public, parce que après ces échanges riches vraiment de détails et d'anecdotes vraiment intéressants, je pense qu'on a suscité la curiosité de votre part pour poser des questions à Christine et Jérémy. Voilà, je vous laisse ce temps de parole si quelqu'un se lance. Attendez. Ça paraisse, parce que quand je connais beaucoup la peinture, quand même, j'aurais l'impression que vous pourriez faire beaucoup de des kilomètres de peintes, de tableaux comme ça. Comment dire, ça demande moins de travail et de réflexion que ce tableau-là, ces tableaux-là. Alors les impressions sont toujours trop grandes. Ouais. C'est pour ça que je voulais dire. Si, je crois que j'ai compris. Alors, c'est difficile à dire. On ne sait jamais comment travaillent l'un et l'autre. Je ne sais pas. Micro ou pas micro. J'ai l'impression que ce serait plus facile de réaliser ce travail que celui-ci. D'accord. Je sais. On ne peut pas dire. Il y a des jours, c'est facile. Des jours, c'est pas facile. Est-ce que je peux en faire au kilomètre comme ça? Non, certainement pas. Ça demande une énergie, une concentration et un travail préparatoire. Enfin. Et tout ne réussit pas à chaque fois, évidemment. Qu'est-ce qui donne cette impression? Je cherche par ailleurs à ce que l'aspect laborieux, tous ces moments, disparaissent dans l'œuvre finale, qu'on ait une impression de sérénité, de calme et d'évidence à la fin, peut-être. Alors, peut-être que ça tient à ça, le fait que ça semble simple. Parce que ça ressemble plus à des photos, à quelque chose qui existe. Et oui, et en plus, on peut, comme c'est un travail qui part de photographie, on peut se dire, est-ce que... Il n'y a qu'à recopier ce qu'il y a sur l'image imprimée ou à l'écran. Et en réalité, ce n'est pas si simple que ça non plus, parce que même si les photographies me servent pour essayer d'attraper des moments, des choses qui m'intéressent, je me dis, tiens, à cet endroit-là, à ce moment-là, sous cette lumière, ce point de vue, il s'est passé quelque chose qui me touche et que je voudrais retranscrire, projeter simplement, comme ça pourrait être fait, l'image sur la toile et la reprendre fidèlement, ne fonctionne pas du tout. Tout ça est beaucoup plus sinueux, je vais dire, comme travail, et très très empirique pour ma part. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ajustements que j'évoquais tout à l'heure. Le fait qu'une couleur soit juste, un trait soit juste, une touche, une matière, une texture, toutes sortes de choses, d'accord, soit juste. Tout ça demande des ajustements, un travail intuitif, des reprises, des effacements. Donc, oui, ce ne sont pas simplement des transferts de photographie en grand. J'ai envie de dire un truc. Quand tu parles de justesse, c'est-à-dire que tout est aléatoire. Hein. La justesse que l'on entend, cette notion de fini dans la peinture, alors que ce soit quelque chose qui est plus maîtrisé, parce qu'effectivement, il y a une certaine maîtrise au niveau de l'architecture, de la mise en place, une maîtrise qui serait plus perceptible faussement. Ah, je mets dans ce sens-là volontairement. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vient à l'atelier et que les peintures ne sont pas terminées en ce qui me concerne, alors je vais donner un exemple, parce que Philippe est là, et c'est très drôle. Hier, il y a un photographe qui est venu pour faire des prises de vue, donc des dernières grandes peintures, et donc il y en avait à mes yeux 8 qui étaient terminées, une que j'avais attaquée, et qui était bien avancée, mais qui va être certainement... être plus du tout comme elle a débuté, mais elle est très énergique aussi et c'est un grand foutoir organisé. Mais donc Philippe me dit, qui est mon compagnon qui est là, me dit, bon mais celle-là aussi on va la prendre en photo, et je lui dis mais elle n'est pas terminée, et il m'a dit mais Et donc, il ne voyait pas la différence entre celle qui n'était pas terminée, et qui pour moi était loin d'être terminée, avec celle qui l'était vraiment, parce qu'on était dans cette même énergie de gestuelle, et avec beaucoup d'éléments et beaucoup de végétation. Et pourtant, c'était pour moi le jour et la nuit. Mais effectivement, après, j'ai réfléchi, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, et je me suis dit, il est vrai que pour moi, c'est le jour et la nuit, mais pour lui, il ne voyait pas énormément de différence, parce que c'était dans la même sensation d'action, en fait. Alors que ça n'allait pas du tout, et je lui disais, mais là, mais tu vois bien que ça ne va pas du tout. Et forcément, il ne le voyait pas, parce qu'il ne peut, il peut pas le voir. Donc quand je dis la subjectivité du moment qui est fini et terminé et qui est notre justesse, qui permet d'être juste parce que ça bascule vers quelque chose qui nous paraît juste, le problème de cette justesse-là, c'est la nôtre. Et c'est, voilà. Donc ce qui nous paraît plus simple, il ne faut pas confondre par exemple le plus simple d'apparence, par exemple, qui peut être les lignes, les formes, les agencements, des masses colorées sur un support, et ce qui est donné à voir à celui qui va regarder. Mais tout ça, c'est une espèce de grande question fort subjective et fort un peu difficile de clarifier. Après, il est vrai que, par exemple, si on fait un monochrome d'un seul coup, sur un support avec un rouleau qui va prendre par exemple quelques fractions de seconde ou quelques secondes, le niveau de temps de travail sera beaucoup moins long effectivement que quelqu'un qui va y passer 2 ans, ou un Hucleux, je ne sais pas si vous connaissez par exemple le travail de Hucleux, qui est un dessinateur qui était ultra réaliste et qui faisait par exemple des dessins et des peintures de cimetières, mais pas que. C'était des journées et des journées laborieuses de travail, hein, parce qu'il était tu connais Florence le travail, et donc voilà, donc quand on voit son travail, on sent qu'il y a des tonnes d'heures de boulot derrière. Après, on sait très bien tous que c'est pas les heures de travail qui font la qualité du travail, qui font en tout cas le travail en lui-même, qui participent, mais pas que. Et donc tout ça, voilà. Mais c'est aussi excitant et intéressant de se laisser tromper par ce que l'on voit, parce que là, c'est la peinture, c'est une tromperie aussi. Hein. C'est un mensonge, c'est un fabuleux mensonge. Est-ce qu'il y a d'autres courageux qui souhaitent prendre la parole? On parlait de l'engagement du corps. J'ai une question très bête. Comment on se confronte à la toile pour la tendre, tout simplement? Comment physiquement vous prenez pour arriver à maîtriser la bête? Alors quand c'est des petits formats, donc c'est moi qui les tends. Quand je dis petit, ça va jusqu'à 195, donc voilà, même plus grand. Et alors celle-ci, parce que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que là, en ce moment, je peins sur des toiles libres, c'est-à-dire sur des rouleaux, que j'agrafe je les agrafe au mur, je peins. Et pour cette exposition qui s'appelait donc Beauté et Calamité à Arcueil, donc Philippe Marin, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans les rencontres, on parlait des rencontres de la vie, donc je parlais de mon galeriste Jean-Michel Marchais, mais Philippe Marin a aussi beaucoup compté. C'est quelqu'un qui a été, s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas de Dinamant, je pense, aujourd'hui. Voilà, qui m'a aidé beaucoup au niveau du matériel et tout ça. Et pour l'exposition, il était mécène de la galerie, c'est-à-dire qu'il, quand vous partirez, il y a des petits catalogues de chaque artiste, et le petit catalogue de Beauté et Calamité, c'est lui qui a en partie payé l'édition, etc. Et donc les toiles sont arrivées en toile libre à l'atelier de chez Philippe, où ils ont repris toutes les cotes, parce que je peins bord-bord, c'est-à-dire je peins au bord de la toile littéralement. Donc pour la monter sur châssis, soit on va manger 10 cm tout au pourtour des toiles, ce que je ne veux pas parce que le bord est pensé, même le bord tout est extrêmement pensé. Donc là, on s'était mis d'accord. Il m'a dit, tu ne t'inquiètes pas, tu peins bord-bord et moi je m'occuperai de tout le reste. Donc les toiles sont parties à l'atelier. Ces ouvriers ont rajouté des bandes de toiles sur les côtés. Donc c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des bandes blanches tout le long, là, derrière, qui ont été collés Ensuite, ils ont fabriqué les châssis sur mesure. Et ensuite, tout est parti à la galerie, qui était donc immense. Et son ouvrier est venu travailler 2 jours, où il a monté toutes les toiles sur des... Enfin, c'est assez impressionnant, hein, parce que donc... moi, je sais monter des petits formats avec des pinces, parce que soit moi, je le fais à la main, soit avec des pinces. Mais c'est un vrai travail, quoi. C'est-à-dire sur des grands formats. Celui-ci, ce n'est pas le plus grand, en plus. Hein. Il y en a encore les plus grands. Donc, ils ont fabriqué de A à Z. Donc, tous les grands formats qui étaient à l'expo de beauté et calamité sont rentrés dans des collections. Il ne m'en reste plus qu'un seul. Mais là, je ne peux pas me permettre de le faire. C'est-à-dire que là, je peins sur toile libre parce que je me sens incapable de le faire, parce que c'est un vrai métier. C'est un peu comme si vous... C'est comme les photographies professionnelles des peintures. C'est un vrai métier. Hein. Voilà. Déjà, peindre, ça demande beaucoup d'énergie. On parlait de comptabilité tout à l'heure, mais aussi, quand on n'est pas comptable, on patauge. Enfin, c'est bien de déléguer aussi quand on peut le faire, mais ça veut dire aussi des finances. Là, ça a été possible parce que je n'ai pas payé. C'est gracieusement Philippe Marin qui a payé tous les châssis, qui a payé tous qui a son entreprise, qui a fait tous les travaux et qui a fait tous les montages. Et je ne veux même pas savoir la facture, quoi, parce que ça devait être assez faramineux. Donc voilà. Donc c'est pas moi qui les ai montés, les très grands. Les deux là, oui, mais à partir d'un moment, je pense que c'est pas possible. Ou alors il faut vraiment suivre je pense que je pourrais le faire, mais avec beaucoup de... Et puis il faut une main d'œuvre à l'atelier pour même sur le toile libre, pour accrocher les toiles que je suis en train de faire, je ne peux pas le faire toute seule. Donc ça aussi c'est un petit peu ennuyeux, parce que quand on doit appeler quelqu'un ou dire s'il te plaît, est-ce que tu peux venir m'aider pour rouler, dérouler, etc., on est dépendant de quelqu'un, et avec le caractère que j'ai, c'est un petit peu compliqué d'être dépendant de quelqu'un, parce qu'on aime bien être libre, mais voilà, il faut parfois mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà. Merci. Justement, ça complète, c'est un peu la même chose, tu vois, même pas la même chose, mais vu qu'on parlait de toile libre, je sais que normalement, Jérémy choisit aussi les cadres par rapport à ses œuvres. Du coup, si tu veux dire un mot sur ça. Oui, pour faire le lien, en plus, on est dans les secrets de fabrique, donc on peut parler de tout ce petit artisanat. Moi, ça fait quelque temps que là, je travaille sur des toiles déjà préparées, donc j'ai entoilé, tendu. Mais auparavant, je réalisais les châssis, donc imaginez, c'est un travail de menuisier, on va découper le bois, l'angle, etc., monter ces châssis. Tendre la toile dessus, pour des questions techniques, toile à cru, tendue à la main également, point par point, le milieu du tableau en face, le milieu de l'autre côté, et après on se déplace vers les bords pour tendre ça jusqu'à l'angle final, et ensuite enduit à la colle de peau, à l'ancienne, vous savez, des colles traditionnelles qui font que quand elles sèchent, elles tendent le tissu radicalement. Oui, il m'était arrivé de travailler une toile au mur, agrafée au mur, de passer la colle de peau. Le lendemain, elle s'était carrément repliée sur elle-même, toutes les agrafes avaient sauté, pour dire la tension qu'il peut y avoir dans ces séchages. Au niveau de l'encadrement, ouais, effectivement, les toiles sont toutes encadrées, et ça fait partie du travail. C'est-à-dire que je ne délègue pas ça à celui qui va acheter la toile ou au galeriste, parce que pour moi, je travaille des objets picturaux, donc il doit avoir une présence... d'objets dans l'espace, massifs, comme des objets en 3 dimensions. Et donc, il m'a été important pour moi de les présenter d'une certaine manière. Et jusqu'en 2017 environ, toutes les toiles étaient systématiquement présentées sous des plaques de plexiglas, qui pouvaient être frustrantes pour les spectateurs, avoir créé une distance, puisqu'on n'avait pas accès directement à la matière picturale, mais qui était pour moi à la fois un écho aux photographies sous diasec, qui se fait beaucoup aujourd'hui dans la photographie contemporaine, donc des grandes photographies contrecollées sur plexiglas, donc avec une texture très lisse, très, très pure, et un écho à la fenêtre, éventuellement, fenêtres à travers le train quand je prenais mes photographies. Voilà, donc un écho à la photographie, la peinture après la photographie. Et c'est une manière aussi de créer de la distance, de créer des strates. Donc on voit là-bas typiquement une baie vitrée ouverte qui est divisée par des pans, mais qui elle-même, en tant qu'image, est subdivisée par des encadrements qui eux-mêmes sont superposés d'une vitre. Donc c'est une sorte de strate de filtre qui s'interpose entre le regard et l'image. Et ce qui m'a permettait également de jouer avec les reflets. Alors certains se demandent est-ce que c'est fait pour... comment on enlève ça. Moi, j'ai accepté, j'ai voulu jouer avec les reflets parce que ça me permettait d'amener les spectateurs, les regardeurs, comme on dit aujourd'hui, à se déplacer dans l'espace pour jouer avec leur propre projection et refaire le mouvement que moi, je faisais quand je me déplace et que je prends des photographies en cherchant des cadrages, des points de vue. Et incidemment, ce qui se passe et qui me plaisait aussi, puisque toutes mes peintures sont vides de toute présence humaine, de toute narration, on l'a évoqué tout à l'heure, petite action en train de se faire, donc sont très contemplatives, méditatives si on veut, et bien le spectateur, quand il se retrouve face à la toile et avec une vitre, est confronté à son propre reflet. Donc il me plaisait que, comme dans la contemplation, on finit par regarder en soi, se regarder soi quand on regarde le monde. Cette espèce d'inclusion de celui qui regarde dans l'image qu'il a sous les yeux qui me plaisait. Donc c'était un aspect de ce mode de présentation en particulier que vous voyez ici. J'avais juste envie de vous demander, est-ce que vous avez des artistes qui vous inspirent? Est-ce que vous avez des maîtres? Et est-ce que votre style évolue? Alors, des maîtres, je n'ai pas de maîtres, mais il y a des artistes qui m'ont beaucoup ému. Par exemple, comme Paul Robérol, je ne sais pas si vous connaissez, entre autres, parce qu'il était. C'est un monsieur qui était très proche de la nature et très proche de la campagne aussi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir. À Émoutier, le centre, enfin je ne sais même plus comment on l'appelle, si on l'appelle le centre Robérol, voilà, qui est un lieu où je suis allée une seule fois, malheureusement, et où il y a ces deux grandes peintures qui sont juste, mais pour moi, je crois que c'est les plus. Ces deux grands paysages. Il y a une carte postale qu'on peut trouver, enfin une photo de lui, mais qu'on trouve parfois en carte postale. J'aime bien l'idée de la carte postale avec cette photo. C'était un petit bonhomme, je ne sais pas si vous voyez, donc physiquement, c'était un petit monsieur. Et les paysages sont juste, et je crois que c'est lui qui m'a donné aussi envie de faire des grands formats. Parce que c'est, quand j'ai vu cette photo de lui devant ces grands paysages, qui sont des sortes de grandes cascades complètement dingues en matière, avec de la terre, du sable, et ce petit bonhomme. Et puis j'avais vu un film de lui où quand ils ont monté l'espace Émoutier, il est en fauteuil roulant à l'époque et il est à la fin de sa vie et il aide les gens qui montent l'expo et il met des grands coups de pied avec son fauteuil roulant et il aide à pousser les grandes peintures contre le mur, enfin contre les murs avec son fauteuil roulant et j'ai trouvé ça. Et le même jour, donc j'avais vu ce film autour de son travail. Et le même jour, j'avais fait un film autour de Richter, qui est un peintre allemand. Et quand on voit ces deux films autour de Richter et autour de Paul Robérol le même jour, on sait tout de suite de quel côté on balance. Et Richter, qui était ce que j'appelle un guerrier. Un guerrier de l'expo muséale qui préparait ses expos en amont dans les musées, parce qu'il avait aussi des espaces en galerie, tout était avec des assistants, où tout était prémédité, financièrement organisé, tout ça, enfin une machine de guerre du marché de l'art contemporain, on va dire comme ça. Et puis Robérol, qui était plus un paysan, quoi, donc moi je me sentais quand même plus proche de ce monsieur-là. Donc voilà, donc Paul Robérol. Et après, il y a tout un tas d'artistes que j'ai découvert en travaillant donc au Centre Georges Pompidou, dont Ricky Chaud, Malaval, Robert Maurice aussi, qui est un monsieur qui on voit des œuvres de lui au Musée d'art moderne contemporain de Saint-Étienne, mais pas du tout les feutres qu'on connaît, qui sont plutôt d'une un travail, on va dire, plutôt difficile d'accès si on n'a pas une certaine culture. Mais le Robert Maurice, de plutôt ses grosses peintures, avec des gros encadrements, avec des reliefs incroyables, donc des squelettes, des cadavres qui paraissent très loin du travail de feutre qu'il a fait, en fait. Moi, c'est plutôt l'autre partie du travail qui est très, très méconnue, d'ailleurs, dont on parle presque jamais. Et donc, Riquichaud, Malaval aussi, qui étaient des personnes... Riquichaud qui a travaillé avec des... qui était un ami de Dado et qui a travaillé avec des os qu'ils allaient récupérer dans les abattoirs, qui recouvraient de peinture, voilà, qui ont fait... donc, voilà. Il y a donc plus proche de moi en ce moment, Redon, Odilon Redon, parce que c'est par ses couleurs, surtout, pas tant les, par exemple, les formes qui s'envolent un peu comme des montgolfières dans l'espace, mais plutôt ces bleus incroyables dans les pastels sèches qu'il a fait. Parce qu'on devait parler des lieux qu'on adorait, et je pense donc à Moreau, Gustave Moreau, la maison, si vous allez à Paris, allez voir le musée Gustave Moreau à Paris, qui est absolument sublime. Les artistes qui m'ont le plus touché, c'est ceux aussi qui vont flirter avec plusieurs territoires. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester uniquement dans un système d'écriture, qui est un système par exemple de peinture, mais qui va être un système de sculpture, qui vont se confondre avec les uns contre les autres, qui vont pas sauter du coq à l'âne, mais qui vont se remettre en question régulièrement, quitte à être contradictoires, ou d'ailleurs, et qui vont avoir des soucis d'ailleurs de c'est pas un souci, mais qui, parce que je lisais un article tout à l'heure, mais parler de reconnaissance de l'artiste. Il y a des artistes qui, comme par exemple, certains artistes ont tellement basculé, voulaient tellement être en quête de recherche, de nouveauté, de se remettre en question, qu'il y avait une écriture tellement différente à chaque fois, qu'en fait, le public, les institutions, ne pouvaient pas les défendre ou ne voulaient pas les défendre parce qu'il était difficile d'avoir une tenue en fait sur la longueur et pouvoir dire ça c'est le style de monsieur X, parce qu'il fallait qu'il y ait un style reconnaissable. Donc moi je suis plutôt admirative de ces gens qui ont un peu pas tout essayé, mais qui cherchaient, qui sont des chercheurs, parce que je pense qu'on est des chercheurs, et si on se commence à se cotonner aussi à une écriture, bien sûr on ne fait que parfois se répéter, et je pense qu'il faut aller chercher sur plusieurs territoires et pour se remettre en question assez régulièrement. Voilà. Paul Rebol, je pense qu'on a eu un titre goût en commun, oui. Et je pense, pour l'anecdote, c'est cette même image qui m'a marqué, je ne sais plus, quand j'étais encore étudiant, une petite carte, effectivement, une illustration où vous voyez ces deux grands tableaux de terre et d'eau, et avec le petit bonhomme qui était tout petit en bas, j'imaginais. Je voulais voir ça, et c'est que 10 ans après que j'ai pu aller à Émoutiers les voir en vrai. Je suis retourné 2-3 fois comme en pèlerinage. C'est une espèce de source avec une énergie folle. C'est amusant de trouver cette référence commune. C'est très difficile. C'est une question qui paraît simple à chaque fois. Quelles sont vos sources, vos références, vos maîtres à penser ou autres, comme on les appelle. Parce que ça peut être très très vaste et très différent, suivant les périodes aussi. Moi, je reprendrai pour donner des éléments de réponse, pour baliser un petit peu, mais c'est à la fois tout et rien dire. Au tout départ, j'étais marqué par le travail de quelqu'un comme Le Gréco, peintre, enfin, comme son nom dit, d'origine grecque, comme son nom l'indique, mais qui est d'école espagnole, 17e, en classe par les baroques. Donc j'étais allé en pèlerinage aussi à Tolède pour aller voir certains de ses tableaux. Donc Le Gréco, pour ses déformations hallucinantes, à la fois coloré et physique, des étirements des corps dans tous les sens. À cette époque-là, c'était hallucinant. J'étais marqué par quelqu'un comme Rembrandt aussi, par cette présence massive et sereine et cette humanité qu'on pouvait voir transparaître dans ses tableaux. Et la matière, c'est des empattements, c'est une virtuosité hallucinante également. Et c'est pas très léché, c'est pas maniériste. C'est juste qui me plaise moins quand c'est maniériste. Donc une vigueur incroyable qu'on pourra retrouver ensuite chez des gens comme Rebérol ou autres. Mais par ailleurs aussi des gens comme, je ne sais pas si vous connaissez aussi, Morandi, Giorgio Morandi, qui fait une partie de sa vie à faire des minuscule nature morte, avec très, très peu de matière, pour le, très très silencieuse pour le coup. Et donc voilà, ça peut partir dans des grands écarts. Et pour ne pas parler trois heures, parce qu'il pourrait y en avoir des dizaines et des dizaines, j'indiquerai simplement, parce que c'est anonyme, les portraits du Fayoum, par exemple. Ce sont des œuvres qui me marquent particulièrement. Ce sont des portraits peints sur bois qui datent de l'époque antique, gréco-romano-égyptienne. Donc ce sont des portraits à vocation mortuaire, qu'on retrouvait sur les sarcophages, et qui sont d'une simplicité désarmante, et qui semblent à chaque fois vous regarder de très près, de très loin à la fois, puisqu'on se dit, on a l'impression d'avoir une proximité incroyable. Encore une fois, une simplicité, il n'y a pas d'artifice, pas de fioriture, tout est là, et en même temps, c'est d'une présence absolue. Donc voilà, des fois, des choses comme ça. Ce qui n'évite pas que j'ai un grand goût pour des abstraits. On parlait de Kirkeby, un Danois, que c'est un goût que nous avons en commun, qui peut être quelque chose de beaucoup plus tellurique, et une formation de géologue, ou des gens, moi, comme Sean Scully, qui est un abstrait irlandais pour le coup, avec des géométries et de la matière. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est figuratif ou chose comme ça qu'on n'a pas des goûts comme ça, très différents de ce qu'on fait. Une précision, parce qu'on ne l'a pas dit. Avant de cette exposition, vous vous connaissez ? Je connais le travail, mais... Alors, physiquement, non. Et, non, mais c'est important. Non, on ne s'était jamais rencontrés physiquement. Et... on s'est vu la première fois donc pour le vernissage. Parce que pour les 20 ans, tu n'étais pas là. On s'est raté. Donc voilà. Donc non. Et puis, donc depuis peu, moi, j'ai regardé plein de choses. Parce que je suis une grosse curieuse. Et non, j'ai regardé, voilà, Jérémy a été. On peut appeler ça une émission qui s'appelle Les Apparences sur le net. Donc c'est. Un autre artiste, Thomas Livillen, qui interviewe en fait des artistes, donc qui a interviewé Jérémy. Donc j'ai regardé l'émission il y a quelques jours, donc j'ai appris plein de trucs, et j'ai appris que par exemple Jérémy faisait un travail en parallèle de celui-ci qui s'appelle, rappelle-moi le nom, j'ai dit le dessin, les archives du désastre. Les archives du désastre, qui sont un très beau travail, si vous allez le voir. Et d'ailleurs, je me demandais ce verre là, d'où il sort. Enfin, j'ai pas vu les mains là. Je choisis une couleur très intuitif, qui est un mélange de couleurs en réalité, et qui nous rassemble d'une autre manière. Ouais. Peut-être, tu sais pas. Non, mais je sais. Ah, parce que c'est un travail de dessin qui a été débuté en 2015, suite aux attentats, etc. D'accord. Donc, qui était une façon de rechercher dans les archives de l'histoire. Des sculptures, des ruines, des antiques, ce que chaque civilisation avait laissé de traces d'elle-même, et pour essayer de faire une lecture de notre propre grande histoire et de la grande temporalité. Ce qui est amusant, c'était qu'ils étaient exposés, une partie de ces dessins étaient exposés à Saint-Étienne jusqu'à il y a quelques jours, et un livre est en préparation avec un auteur qui a déjà écrit sur le travail de Christine, un livre que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, qui était Lionel Beau. Donc voilà, encore un lien quand je découvre ensemble, malgré les différences d'apparence. D'apparence, ça va, on est en bleu tous les deux. Non, mais, non, voilà. Non, mais c'est, donc voilà, donc c'est, et puis c'était, je pense, une bonne idée. Enfin, je ne sais pas trop comment la décision s'est opérée pour la rencontre, mais je pense que c'était intéressant que ce lien se crée aujourd'hui avec un faux fossé. Entre nous deux, en fait. Et donc, c'est d'autant plus intéressant. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés physiquement et j'espère qu'on va plus se quitter. Là, pour lui, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une dernière ? Ou vous êtes satisfait ? Alors, on vous remercie encore une fois pour avoir participé à cette rencontre. Et je vous rappelle qu'il y a encore deux rencontres dans le mois à suivre, jeudi 21 avril avec Florence Dussuy et Mylène Sanchez. Florence, si tu veux te faire reconnaître. Et sinon, la troisième et dernière rencontre pour le mois d'avril c'est le 28 avril, toujours pendant les vacances scolaires. Et ça sera avec trois artistes. Marie Morel, dont vous avez les œuvres derrière, dans le cabinet Delphine Ballet, et aussi Isabelle Jarousse, avec toutes les œuvres récentes. Voilà. Merci encore, et au plaisir de vous accueillir prochainement.